Marie Stuart par le docteur Cabanès. On ignore à peu près tout de la prime enfance de Marie Stuart. On sait qu'elle naquit le 8 décembre 1542, 6 jours avant que son père rendît son âme au Seigneur. Pour la première fois, une femme était appelée en Écosse à prendre en main les rênes de l'État. La jeune souveraine succédait à son père, la veuve de ce dernier ayant renoncé à ses droits bien qu'à peine âgée de 27 ans. L'enfance de Marie Stuart s'écoula sans incident notable. Elle souffrit de quelques incommodités, mais qui n'offrirent aucun caractère de gravité. Elle n'avait que 4 ans et 10 mois lorsqu'elle éprouva une de ces vicissitudes de la fortune dont elle devait être tant accablée sa vie durant. On lui avait donné pour compagne de jeu et d'études 4 fillettes de son âge. Des troubles ayant éclaté en Écosse, la jeune reine fut enlevée de nuit avec ses petites amies en litière et conduite dans le nord du royaume. Un peu plus tard, on prenait des mesures pour transporter Marie en France. Marie Stuart monta sur la galère royale accompagnée d'une nombreuse suite. Le 20 août 1548, elle débarquait à Roscoff, près de Morlaix. Après quelques jours de repos, Marie Stuart se rembarquait et la flotte reprenait la mer. Elle contourna les côtes de Bretagne jusqu'à l'embouchure de la Loire. D'Orléans, les voyageurs poursuivirent leur voyage jusqu'à Paris par petites journées. Le roi Henri II avait donné l'ordre de nettoyer la ville et le château de Saint-Germain. Ses officiers devaient expulser, de Poissy et des villages voisins, toute personne, soit maçon, manœuvrier ou autre, du lieu suspect de maladie contagieuse. Des appartements avaient été préparés pour y recevoir la jolie reinette, qui, avant même de paraître excitée toutes les curiosités, avait retourné tous les cœurs. « Il lui suffit de sourire, » déclarait Catherine de Médicis, « pour tourner la tête à tous les Français. » À croire les relations de l'époque, il est certain qu'elle était remarquablement douée, et non pas seulement sous le rapport des attraits physiques. Elle témoignait d'une précocité intellectuelle, d'une aptitude à tout apprendre, qui faisait l'admiration de son entourage. Sans admettre qu'elle eût, comme on l'a prétendu, une connaissance parfaite de plusieurs langues, entre autres du latin, de l'espagnol, de l'italien et du français, elle en possédait du moins les principaux éléments. Ajoutez qu'elle était très bonne musicienne, jouant indifféremment de la sitar, de la harpe et de l'épinette, qu'elle s'accompagnait sur le luth. Par surcroît, elle dansait avec la meilleure grâce du monde. Il ne lui restait qu'à s'initier aux sports alors en vogue, tels que l'équitation, la natation, la chasse aux faucons, que pratiquaient les courtisans et les femmes de la meilleure société, qui ne rougissaient pas de prendre part à ces exercices plutôt réservés aux hommes. Mais les hommes étaient sans cesse mêlés aux femmes. La reine et ses dames assistaient à tous les jeux et divertissements de Henri II et de ses gentilshommes. C'est à cette école d'élégance, et il faut bien le dire aussi, de dépravation, que se forma Marie Stuart. Elle sut rapidement profiter des leçons qu'elle reçut. À 10 ans, elle écrivait déjà des lettres qui accusent une maturité d'esprit bien supérieure à son âge. À 13 ans, elle déclamait, dans une salle du Louvre, un discours latin qu'elle aurait, dit-on, composé elle-même. Outre le latin, elle avait des connaissances en histoire, composait des vers qui lui méritaient les éloges de Ronsard, faisait, en un mot, les délices de cette cour des Valois, qui comptait plus de brillants esprits qu'aucune autre cour en Europe. Bien qu'on n'ait d'elle qu'un portrait vraiment authentique à cette période de sa vie, un dessin du peintre François Clouet qui la peignit à l'âge de 9 ans, on peut juger, d'après cette esquisse, de la réalité de ses charmes. Tous ses contemporains s'accordent, du reste, sur sa beauté, son pouvoir de séduction était incontestable. Lorsque cette charmante princesse approcha de sa 15e année, on parla de la marier. À qui allait-on unir cette belle fille, resplendissante de fraîcheur et de santé, avec un être débile, si frêle et si délicat que son existence était à tout instant menacée? On attribuait son état maladif à son habitude de ne pas se moucher. Comme disaient les médecins du temps, il en résultait des humeurs cuites et accumulées dedans son corps, qui produisaient les troubles morbides qu'ils avaient observés. Gracieuse et intelligente, la future reine de France s'était montrée tout de suite prodigue de gentillesse envers celui qu'on lui destinait pour époux, et le roi constatait lui-même que son fils et elle furent, dès le premier jour, aussi apprivoisés ensemble comme s'ils se fussent connus de tout temps. Le mariage se fit avec la plus grande pompe, dans l'église Notre-Dame. La cérémonie terminée, la jeune mariée salua le dauphin, roi d'Écosse, et durant plusieurs jours, les fêtes se succédèrent dans la capitale. Qui aurait pu prévoir que cette idylle n'aurait pas de lendemain? Que Marie Stuart deviendrait veuve après un règne éphémère, et qu'elle serait transportée presque subitement de la cour fastueuse de Fontainebleau dans un pays revêche et sombre où toutes les passions politiques et religieuses étaient déchaînées. Au lendemain de la mort de François II, Marie Stuart avait rendu les diamants de la couronne, revêtu le costume blanc des veuves et s'était enfermée dans un appartement tendu de noir, nuit et jour éclairé par des torches. Elle y passa plus d'un mois, comme ensevelie dans un sépulcre. Le 24 juillet 1561, Marie Stuart se rendait à Saint-Germain à une fête d'adieu célébrée en son honneur. Le 10 août, elle partait pour Calais. Le 15, elle s'embarquait avec sa suite. Elle voulut passer la nuit sur le pont où on lui avait préparé une couchette. Elle avait fait promettre au timonier de l'avertir, au lever du jour, si on apercevait encore les côtes de France. À quoi, poursuit notre narrateur, la fortune la favorisa. Car, le vent ayant cessé, on ne fit guère de chemin cette nuit-là, si bien que le jour paraissant parut encore le terrain de France. Elle se leva sur son lit et se mit à contempler la France encore et tant qu'elle put. Mais la galère s'éloignant, éloigna son contentement. Adonc redoubla encore ces mots. « Adieu, France, c'en est fait. Adieu, France, je pense ne vous revoir jamais plus. » Les préparatifs de la réception qu'on lui réservait n'étaient pas terminés lorsque Marie Stuart aborda les côtes de son royaume. Ce n'étaient pas les pompes, les magnificences, ni les superbes montures de France dont elle avait joui si longtemps. À Holyrood, où lui fut servi un maigre repas, on entendit au dehors un grincement de crécelles mêlé de cris discordants. 500 ou 600 marauds de la ville vinrent donner l'aubade de méchants violons et petits rebets. Ils se mirent à chanter des psaumes, tant mal chantés et si mal accordés que rien plus. Le lendemain, ce fut le défilé des seigneurs écossais, venus pour lui présenter leurs hommages. Elle les complimenta suivant leur rang, promettant à tous la pacification du pays. Cette promesse, on ne lui la laissa pas le temps de la tenir. Le jour même où elle avait pris cet engagement vers son peuple, aux portes même de son logis, son aumônier, ayant osé se montrer au dehors avec sa lévite de prêtre, fut attaqué par les presbytériens et poursuivi jusque dans la chambre de la reine. S'il ne se fût sauvé de vitesse, dit Brantôme, il était mort. L'avenir réservait à Marie Stuart de bien d'autres déceptions. Tout d'abord, elle encourut le blâme, par l'ardeur qu'elle mettait aux amusements profanes, des ministres calvinistes. Ses rigides censeurs s'élevèrent en chair avec véhémence contre cette joyeuse cour vouée aux pires malédictions. Une intrigue avec un gentilhomme du Dauphiné, petit-neveu par sa mère du chevalier Bayard, et qui avait accompagné Marie Stuart en Écosse, aviva encore la haine des puritains contre la légère et inconséquente Marie. Dans les années qui suivent, Marie supporte de plus en plus mal son veuvage. Plusieurs prétendants aspirent à sa main, elle les repousse tous. Son choix avait paru un moment incliné vers le prince royal d'Espagne, le fils de Philippe II, Don Carlos. Mais un pareil projet éveilla les défiances de la reine Élisabeth et aussi celle de Catherine de Médicis. Cette double opposition fit ajourner le projet. L'archiduc Charles, second fils de l'empereur Ferdinand, ne fut pas davantage agréé. L'Écosse n'en voulait pas comme étranger. Les protestants le repoussaient parce que catholique. C'est alors qu'Élisabeth conçut la folle idée de lui faire épouser Robert Dudley, son propre favori. Jugeant à bon droit la proposition offensante, Marie se contenta de l'éluder, afin de ne pas s'aliéner la reine d'Angleterre. Afin de couper court à toutes ces intrigues, elle se décida brusquement à épouser le fils du comte de Lennox, comme elle de la maison de Stuart, et qui, par ses manières agréables, sa distinction et le charme de la jeunesse, il était âgé de 19 ans, lui plut tout de suite. Les entraînements de l'amour s'unissaient aux convenances de la parenté pour rendre ce mariage inévitable. Elle connut, après quelques mois d'union, toute l'indignité du méprisable gentilhomme avec qui elle avait partagé sa couronne. L'Italien Riccio n'obtint peut-être pas les faveurs de Marie Stuart, mais elle le traita comme un favori, en apparence du moins. C'était assez pour éveiller les susceptibilités d'un mari soupçonneux et défiant. Riccio paya cher les imprudences de la reine. Il expira sous plus de 50 coups de poignard et les conjurés plantèrent la dague de Darnley dans le cadavre pour bien marquer qu'ils avaient agi par ses ordres. Marie Stuart s'était jurée de ne pas laisser ce crime impuni. Tandis qu'elle semblait revenue à son ancienne inclination pour Darnley, le poignard de Bothwell s'aiguisait dans l'ombre. La conduite de la reine d'Écosse, dans cette circonstance, confirme pleinement les accusations portées contre elle et qui résultent des dispositions des témoins, des confessions des acteurs de ce sombre drame, des propres lettres de la principale coupable. Il avait été convenu qu'on ferait sauter le logement occupé par Darnley. Marie eut le soin d'en faire retirer un lit de valeur, neuf, et de les remplacer par un vieux. De plus, on transporta dans une autre pièce une riche couverture en peau de martre, à laquelle elle tenait particulièrement. Tout était prêt, les sacs de poudre furent portés à travers les jardins, et celle-ci répandue en tas sur le plancher du rez-de-chaussée, au-dessous de la place qu'occupait la chambre royale. On savait Darnley seul, Marie ayant prétexté une cérémonie à laquelle elle était tenue d'assister pour l'abandonner à son destin. Les meurtriers, prévenus, pénétraient, à l'aide de fausses clés, dans l'appartement du roi. Darnley, entendant du bruit, tenta de prendre la fuite, mais les assassins le saisirent et l'étranglèrent. Ils tuèrent de la même manière son jeune page. Après ce double attentat, ils firent sauter la maison afin d'effacer toute trace de leur crime. La reine était-elle complice de cet assassinat? Tout porte à le présumer. 3 mois après l'acquittement de Bothwell, qu'elle n'avait pu empêcher de passer en jugement, Marie Stuart l'épousait. Il était marié, elle le contraignit à divorcer. Il était de la religion réformée, elle n'exigea pas sa conversion. Nous passons rapidement sur les années qui suivent pour arriver plus vite au dénouement de cette existence tourmentée. Après maintes péripéties, Marie Stuart, qui s'était rendue impossible en Écosse, prenait le parti de se réfugier en Angleterre. Elle avait résolu de s'en remettre à la générosité de sa pire ennemie, cette Élisabeth, qui l'avait toujours poursuivie de sa haine, qui exécrait en elle l'armite catholique, la magicienne du papisme. Élisabeth la fit aussitôt mettre en prison. Elle l'y maintiendra 19 années. Malgré une défense habile autant que ferme, Marie Stuart fut condamnée à la peine capitale. Le billet fatal était déjà dressé, que la sentence n'était pas encore rendue. Un premier coup de hache effleura le haut de la tête. Il en fallut un second pour la trancher, un troisième pour la séparer du corps. « Dieu sauve la reine !» cria le bourreau en soulevant cette tête sanglante que le malheur avait rendue chauve et grise. Le comte de Kent, se penchant au-dessus du cadavre pour mieux le contempler, s'écria d'une voix haute qui put être entendue de la foule amassée au pied de l'échafaud « Ainsi périssent tous les ennemis de l'Évangile !» C'était le dernier mot de la vengeance puritaine. C'était Marie Stuart par le docteur Cabanès.